Ramos. Des gangs à Albi, j'peux passer l'été. Tourne dans le monde, j'vais le cambrioler. On les baisse, baisse, baisse, ça vient pour la paix. Oh ma bella, dans ma tête, ouais, ma bella. Que des Albi sont vaches, vaches, vaches, que des lions. Oh ma bella, j'prends le jet, jet, jet, jet, jet, jet, jet. Plus de leur jet, jet, jet, jet, jet. Des années retour sur la scène. Tout un indien choqué sur la croisette. Oh là là, j'suis un allé. Ça y est, j'vais m'en aller. J'me vois là, j'vais le perroquet. J'rigole, mais menotté. On change de paysage. Tu me verras dans le virage. Demande à un habit derrière les galaxies. J'vais éviter le grillage. El barrio. El barrio. El barrio. El barrio. Moulin del barrio. On bouge du barrio. Ma vela plus Mario. On est cible, les cibles comme Mario. Allez, ciao, vamos. On se bat à mala, mala, mala, mala, mala. Je me balade sur Marseille tout en local. La pharmacie de la folie on la bloqua. Brûle les timbres des bengas. J'attends les pimpons pour un pom pom pom. Ah ah. Elle est bien chargée, sans le bon bon bon. Baila. Tranquille, je m'arrête à Saint-Antoine. Où est Stéphane, mon pote en panne. Le poteau fume la Marie-Jeanne. Protoco, check, check, ça ravitaille. Laissez-moi voyager. Chapeau de paille dandée. Y'a des tueurs crachés. Prêt à les cracher. Je me barrasse à loup. On va où? Demande à Nico, elle bouge son boule, la fusée voit flou. El barrio, el barrio, el barrio, el barrio. Moulin del barrio, on bouge du barrio. Ma vela plus Mario, on est cible et cible comme Mario. Allez ciao, vamos. On se bat à mala, mala, mala, mala, mala. Loin du barrio. On se bat à mala, mala, mala, mala, mala. Loin du barrio. On se bat à mala, mala. Vamos, o se va a dar mala mala.